Les médias étrangers ont traité du 9 au 11 juin la nouvelle des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. Les agences de presse russes TASS et Lia Novosti, la TV Genius de l'Inde, l'agence de presse japonaise Kyodo, le journal d'internet malaisien The Star Online et la NTV de l'Allemagne ont annoncé que le maréchal coréen a visité l'usine de préparation de kimchi rugyong nouvellement construite. La homepage d'internet du forum allemand anti-impérialiste Les Nouvelles des Inspections a imprimé les photos du maréchal et traité son inspection des chantiers de construction du complexe ophtalmologique rugyong, de l'usine de l'oxygène sanitaire et de l'usine des équipements et matériels de sport de Pyongyang nouvellement construite, et son assistance au match d'amitié entre l'équipe de basketball masculin Sobexo de la Corée et l'équipe olympique chinoise. La homepage d'internet du Comité national d'études du kimilsunisme Kim Jong-ilisme du Nigeria a inséré la nouvelle du maréchal qui s'est fait photographier en souvenir avec les délégués aux célébrations du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée et qui a assisté au spectacle donné par les enfants sous thème « Nous n'avons rien à envier dans le monde ».